Narvaza on the beat. Yo, Smoke. This one's Fuego. Yo, c'est Angry. Yo, let's go. C'est pas prêt, man. Ok, j'suis pas Saint-Jean-Cy, mais j'suis scoré. Yeah, yeah, troqué. Ton seul billboard qui compte, mais ça fait le savoir, de tes blagues, pas d'avis de voir. Yeah, yeah, va falloir que j'ressorte le Glock vers ta mâchoire. J'écris des textes quand le mal m'engourdit. Pas d'un côté, j'suis en mode pandémie. J'aimais ton ex, ça fout mon crédit. Moi aussi, j'fais que j'fais pas de comédie. J'parle au contexte de tout ce qui est interdit. J'fais pas de prétexte, j'bois avant midi. Tous les sous-textes, et j'vous en étourdis. Et oui, j'déteste comme tout le monde est lundi. Même si j'te donne la chance du siècle, ça grouille dehors. Y'a des insectes qui snitch, qui broquent, qui parlent dans l'eau. Pour eux, le monde, c'est un complot. Rise mes rêves, j'te dévisage. T'as pas de cervelle, bon voyage. Non, ce n'est pas un étrucage. Dérigé dans mon stockage.